Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les conseils du ciel immense, du lys pur, du nid doré, n'ôtent aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour. Et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire, sous ses chimères et sous ses chars triomphants, mais toutes les pauvres mères et tous les petits enfants. Notre bonheur est farouche, c'est de dire « Allons, mourons !» et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, lui, les bivouacs fument, pâles, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela, pour des altesses qui, vous, à peine enterrés, se feront des politesses, pendant que vous pourrirez, et que, dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux, hideux, iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. C'est un Russe, égorge, assomme. Un Croate, feu roulant. C'est juste, pourquoi cet homme avait-il un habit blanc? Celui-ci, je le supprime et m'en vais, le cœur serein, puisqu'il a commis le crime de naître à droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance. L'homme, ivre d'un affreux bruit, n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chaînes. Tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par veaux. L'épouvante se cramponne du poing aux crins des chevaux. Et l'aube est là, sur la plaine. Oh, j'admire en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté.